J'avance tranquille au rythme de mes envies. J'essaie de vivre une vie d'artiste libre en écoutant ces vieux sons qui chaque fois m'ennuient. Je n'oublierai jamais dans l'endroit d'où je viens. Mes amis, ma famille ont fait beaucoup pour moi, c'est certain. Ils ont forgé le bord du destin qui plus tard fut le mien. Sur cette ligne, je continue à observer les chemins qui s'ouvrent à moi. J'ai choisi de partir sans penser à demain, je sais pas pourquoi. Et maintenant j'ai compris, c'est que si que je suis bien, j'essaie de finir une vie d'artiste libre. J'avance tranquille au rythme de mes envies. J'essaie de vivre une vie d'artiste libre en écoutant ces vieux sons qui chaque fois m'ont. D'avoir dans ma vie une femme qui m'aime, qui chaque jour à mes côtés sans rien lâcher, trace son chemin. J'ai eu la chance, c'est certain, la vie elle m'a donné idée. Et maintenant j'ai compris mon destin, ma famille est créée. Et maintenant j'ai compris mon destin, la famille est sacrée. On essaie de vivre une vie d'artiste libre. On avance tranquille ensemble et c'est ainsi. On essaie de vivre une vie d'artiste libre. Et une vie qui protégera la famille.